vieux fauteuil en cuir semble bien vide alors. Sans tes éclats de rire, mais quel triste décor. Dans ce petit salon, des gens vêtus de noir, je dessine au crayon les souvenirs de tes histoires. Les pages sont cornées des souvenirs de guerre pour ne pas oublier. Un regard vers mon père, je surprends quelques larmes. Sous un sourire amer, il cache ses états d'âme. Je dessine au crayon les souvenirs.